Lasse de son personnage de Lisette, Sylvia voudrait se démasquer, mais son père, Orgon, vient de lui interdire de quitter son rôle de soubrette, et elle en a le cœur serré quand réapparaît Dorante, le prétendu bourguignon.